Tu sais, la crêpe, elle, elle est décevante là, au point où que, tu sais, c'est pas une crêpe incroyable. Oh mon Dieu! Il y en a tellement pas! Hey, pour vrai, il... La crêpe est vraiment longue! Je pense que David est comme rendu à 12 tours de crêpes, puis il y a une mini slice de confiture de fraises à l'intérieur. Tout ça pour 120 calories. Oh, et là, ça déchire. Mais là, de façon, il y a juste ça de confiture dans la crêpe. Ça, oh ça ressemble God. À un parchemin, ouais. Je dirais, la crêpe. Hein? Si vous voulez voir combien qu'il y a de confiture, bien, c'est facile. Allez sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Mathieu vient de prendre une photo. Et non seulement j'ai pris une photo, j'ai pris une vidéo de ça en train de dérouler. On va voir. Mais on dirait vraiment un parchemin sur lequel il y aurait des paroles bibliques. Non, tu sais, là, les papiers bleus là, avec lesquels tu peux essuyer ton comptoir. Plus, ouais, c'est ça. Ça ressemble plus à ça. Salut, je suis une crêpe qui ressemble à un parchemin ou un chiffon J. Oh mon Dieu. Wow, David, c'est incroyable. C'est là, chier, non, mais là, mange-la. Pour vrai, c'est plus amusant de s'amuser que de manger ça. Ça, tu fais une boule avec puis elle déboule pas, genre. Tu sais, reste comme ça. Verse du café sur la table pour voir si ça va l'absorber aussi. Ah. Parce qu'on peut peut-être lui trouver une deuxième utilité. Attends, c'est je vais aller me commander un café à Chasse-Galerie. Oh, non, non, David. Et ah, ça déboule. C'est en train de se défaire, ouais, la boule. Ouais, ça se défait. Ah, ça fait comme une rose. Wow. C'est presque romantique. Un jour, c'est ils vont l'or. Servir ça des hôtels, un petit peu. Ben, c'est comme une crêpe française. C'est vraiment très, très mince. Ça, mais... c'est foutu dans la bouche. Ça marche. Oh. La crêpe en tant que telle est vraiment dégueulasse. Ouais, vraiment. C'est pas le fun. Bref, on a passé assez de temps là-dessus. J'ai pas aimé ça. T'as pas aimé ça. David a pas aimé ça. Voilà. David a pas aimé ça, mais il continue à la manger. Ah, il va finir le sac. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Non. Non? Bon. Il voilà. dit non. Là, il vient de... On décrit, là. On vient... David vient de lancer le sac au bout de ses bras. Dans 30 minutes, l'émission va être terminée. Il va venir en chercher une autre. On gage quoi, Tania? On gage quoi, Tania? Qu'est-ce qu'on gage? Est-ce que t'es capable moi, de moi, je gage plus d'argent. J'en ai pas, fait que... Mais sinon, qu'est-ce qu'on gage? On gage la personne qui amène le prochain produit à la chronique. Ah, on peut ça. Ah, bon, la dernière dit-il bouchée bien en fait. En mangeant la crêpe. Mais c'est parce qu'il mange tout de suite pour que dans une demi-heure, il n'ait plus faim pour venir en chercher d'autres. Ouais, mais ils viennent de dire qu'elle était vraiment dégueulasse. Ouais. Il peut finir les deux dernières, puis ça comptera pas pour, les pour dans une demi-heure. Ouais, mais c'est pas le fun, le gaspillage de crêpes industrielles. Ouais. Bon. Vous écoutez Assemblage Requis, édition week-end. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis, édition week-end. Avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Hey, c'est le moment de recevoir Alex Marchand officiellement pour sa chronique. Elle s'appelle Dans ma tête. Dans ma tête, avec Alex Marchand. Remix! C'est, ça me fait penser à la Corée du Nord qui va faire sa chorégraphie sur du Ginette Renault. Là. Je leur ai dit, il aurait dû faire un remix. Ah, ça aurait été malade, hein? Ça comme ça, incroyable. Ça aurait été pas fait, hein? On pourrait juste Ginette les mettre après, tu sais, juste un remix! Remix! La tune part. Ouais. Ouais. Malade. On a un beau background. Bref, dans ma tête, c'est ta chronique où on parle un petit peu ce qui se passe dans ta tête, que ce soit activité, party, c'est la alcool. Chronique. OK, c'est ça. Non, pas tant que ça. On s'attend à ça de toi. Ben oui, effectivement. Ah, oui. Un grand sorteux. Plein de belles choses, un grand sorteux, effectivement. Fait que, ben tu sais, comme vous le savez, peut-être, si vous, c'est pas la première fois que vous écoutez. Dis-nous donc ce qu'on sait, hein, comme ben, vous oui. le savez. Ben oui, exactement. Dis-moi ce que je sais. À l'occasion, je tourne des tables. Oui. C'est ça. Ouais. Alors, tu fais du réaménagement de pièces. Si je suis boss boy ou si je suis DJ, là. Hein? Fait que oui, c'est ça. Donc, tu travailles sur le même moment en gay. C'est oui, ça. Exactement. Donc, j'ai eu l'occasion de mixer dans des parties de Noël cette année. Puis, j'ai vu des choses. Ah, non. Donc, ça m'a inspiré pour la chronique que je vais faire aujourd'hui. Parce que, quoi, il y a des choses qu'on peut et qu'on devrait faire durant un party de Noël. Puis, il y en a d'autres qu'on pourrait s'abstenir. Ouais. Donc, ben, premièrement, on va commencer par discuter un peu de qu'est-ce de quoi faire, tu sais. Okay. Un party de Noël, tu sais, c'est le fun. C'est l'occasion de célébrer avec des collègues de travail que t'es habitué de voir dans un contexte, des fois, qui est un peu plus plate, qui est un peu plus... Tu sais, c'est facile de se pogner à job. Vous autres, peut-être un peu moins, j'imagine, parce que c'est quelque chose, c'est dans le domaine du divertissement un peu plus. Ouais. Mais quand même, peut-être des fois aussi, vous devez avoir on des on se pogne pas ensemble. Ah, c'est bon. Ça va. On se pogne avec les autres. Vous deux, ça va, parfait. Donc, comme vous le savez, ben, il y a un certain stress qui est vécu par là. Puis c'est le bon moment, le party de Noël, pour décompresser. Puis parfois même, aller, tu sais, jaser avec la personne qui t'énerve. Là. Ouais. Mais justement, créer des liens qui font en sorte que la relation va être plus facile. Tu sais, quand t'as un verre dans le nez, c'est toujours plus facile de parler. Sauf que si c'est pas dans. Comment je dirais? Tu sais, je parlais de un verre. Ouais. Si jamais on le multiplie par plusieurs, je dirais, par plusieurs chiffres, ça peut devenir peut-être un peu malaisant ou on pourrait dépasser les limites. Ouais, oui, moi, exactement. Je serais du genre à dire à cette personne que je l'aime pas, finalement. Ouais, exactement. Ouais. C'est ça. On dit que l'alcool est un lubrifiant social. Trop de lubrifiant, ben, ça dégoûte. C'est ça. Et quand ça dégoûte, ça salit le plancher puis il n'y a plus personne qui est content. Le concierge veut péter la gueule à tout le monde. Mais en revanche, je me l'ai déjà fait dire. C'est « Hey, toi, au début, je t'aimais pas! » Ah? Pis là, je t'aime! Ah, mais c'est le fun, ça! Ah, c'est le fun, moi, je t'aime juste pas! Ah! J'aimerais pouvoir en dire autant de toi! Le pouvoir de la franchise! C'est ça! Pis, ben, justement, fait que, premièrement, mon premier conseil serait de, si t'es pas capable de boire, ben, bois pas! Ouais, en effet! Tu sais, la bouteille de Perrier bien proche, pis garde-la, tu sais! C'est correct de faire le party, c'est correct d'être festif, sauf que faut pas oublier que, tu sais, généralement, c'est pas loin avant. Mais en fait, non, c'est souvent avant le temps des fêtes. Donc, le lundi d'après, tout le monde qui va être un déchet vont te revoir, vont peut-être te regarder d'une manière différente. Puis, on sait tous que, ben, peut-être pas, mais c'est, il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. Il y a une question de réputation du marché du travail qui est quand même assez importante. À l'interne de l'entreprise que, ou aussi, l'organisation qui est à l'externe. Donc, attention aux photos sur Facebook aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Si les gens vont vous taguer là-dessus, cocher l'option je veux accepter que les gens me taguent. Oui, ça, c'est très ça. Important aussi parce que ça peut aller vite sur Facebook. Une photo malaisante peut rester longtemps. Surtout quand c'est ta fête et que quelqu'un avait ça sur son cell. Puis, oh mon Dieu, ça semble le bon moment. Les gens regardent ça. Il y a eu une nouvelle qui était sortie. Je crois que c'était TVA Nouvelle. T'sais, comment ils sont, qu'une femme qui était qui postait sur Facebook par rapport à ses voyages alors qu'elle était sur l'aide sociale ou je sais pas trop quoi, là, peu importe c'était quoi. Là. Ouh, c'est le ministère. C'est checké. On va faire un petit tour. C'est ça. Ça, c'est sûr. Mais en fait, c'est pas mal ça. Puis sinon, aussi, un petit conseil d'expérience personnelle, pogner le cul du DJ sans son approbation, c'est non. Ça s'applique pour les deux sexes. Fait que bref, c'est ça. Alex, c'est fait de pogner les fesses. C'est fait de pogner le cul. Ah ouais? Fait que bref, j'ai eu les souhaits. Ouais, t'as-tu porté plainte? Non, j'ai pas de séquelles psychologiques, ça va bien parce que c'était pas quelqu'un que. C'était plaisant, c'est ça tu vas nous dire? Ben, ça dépend, c'était pas mon genre, mais c'est correct. Ah bon, on l'a salué. Quand même, je l'ai pris comme un compliment, tu sais. Ouais. Mais l'affaire, par exemple, c'est que j'ai vraiment eu un questionnement par rapport, tu sais, on voit la campagne, ça oui, c'est non, pis tout. Tu sais, je me disais que justement, elle était où, quand on traçait la borne entre un gars pis une fille, tu sais, que. Tu sais, il aurait pu. Ben, en même temps, c'est moi. Moi, j'ai pas beaucoup d'ego, puis peu importe, je m'en fais pas avec beaucoup de choses. Mais je me suis vraiment questionné à savoir où était la ligne, puis qu'est-ce que ça faisait. Puis j'en ai discuté avec certaines personnes pour réaliser que. On était loin du contexte. Tu sais, on parle d'Éric Salvay, entre autres, puis Gilbert Rozon, qui ont été quand même des agresseurs, mais ils étaient dans des positions de pouvoir par rapport aux personnes qui les agressaient, si on veut. Ben, t'as le pouvoir de jouer la musique que les gens demandent. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai. Puis j'ai quand même mis leur tout. Mais c'est que, justement, c'est que les employés qui avaient vécu ça pouvaient rien faire contre leur boss parce qu'ils avaient besoin de leur job pour payer leur loyer, leur bouffe, leur vêtement. Puis, tu sais, se gâter une fois de temps en temps. Fait que, tu sais, la nuance n'était pas la même. Parce que moi, je les reverrai probablement jamais, ces personnes-là, tandis que, justement, les agresseurs qui sont patrons puis qui font ça à des employés, par exemple, ben, vont les revoir à tous les jours, puis là, il y a moyen d'avoir des séquelles psychologiques à long terme. Ouais. Si, surtout, il y a plusieurs agressions et tout ça. Donc, ça, oui, c'est non, gang. Mais ça t'a secoué, mettons. Ouais, je m'attendais pas à ça, honnêtement, là, mais je me suis dit que ça devait faire partie de la job. Là, tu sais, c'est nouveau pour moi dans ma vie. Puis bon, petite fois de temps en temps. Bon matin! Ouais, c'est exactement. Ça. C'est ton initiation. Tu vas mettre du padding de football, tu sais, une espèce de truc pour l'arrêt, là, genre pour la protéger. Fait quoi, ouais, je vais porter des leggings de football en dessous de mes jeans. Wow. Excellent. Oui, fait que c'est pas mal tout pour les parties de Noël. Ouais. Pour maintenant, ben, j'espère que vous avez apprécié. Ben oui, c'est sûr. J'ai apprécié ta prononciation de tandis que. Tu l'as bien fait. Oui. Ah ouais, tandis que. C'est comment ça se fait? C'est dur de prononcer tandis que, j'ai jamais remarqué. Tu l'as prononcé correctement. Ouais, Colin, je suis vraiment content. Merci Mathieu. Ouais, pas de, on prononce pas le S. Non, c'est ça. Qui dit tandis que? Tout le monde. Tout le monde. Hein? Tandis que. Ah, c'est vrai. En tout cas, bref. Je vais y enchaîner avec le prochain sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est le party de disco de ce soir de Lucréa. Oui. Oui. Concept assez intéressant. Je parlais tout à l'heure avec les gens de chez l'Odyssée et on a vraiment un stage qui va être assez intéressant. Il y a vraiment un concept assez cool derrière ça. Je peux pas vous en dire plus. C'est 10-12. C'est exactement. C'est une surprise. 10-12 Lucréa, ça va commencer à 22h ce soir. Il va y avoir comme DJ en fait Krona, qui est aussi dans le fond représentant de la logique Lucréa sur le conseil exécutif, mais qui est aussi dans le temps partiel et DJ. C'est qui dans le groupe? Ah, ça je fais. Ah oui, je vais le dire, c'est Alexandre Côté. Okay. Et quand même, j'ai rencontré récemment justement pour aller prendre un café. Ce gars-là est vraiment passionné de musique, puis il est au courant de ce qui se passe dans l'industrie, puis il a vraiment vu beaucoup de choses par rapport à ça. C'est vraiment, ça a été vraiment une discussion super intéressante. J'ai beaucoup c'est ton appris. Domaine aussi, donc. Oui, exactement, c'est sûr. Puis en même temps, j'ai posé plusieurs questions qui m'ont permis de progresser. Mais pour l'avoir écouté, en fond, lui, il est aussi résident au temple. Il en a pas fait en décembre, mais il recommence en janvier. Puis vraiment, c'est un des meilleurs DJ que j'ai entendu à Trois-Rivières. Mané, il était pas là autant, puis je voulais l'entendre justement mixer. J'ai fait le tour, puis il y avait absolument rien. Parce qu'il y a une manière de faire des transitions, des fois, qui peut être complètement impressionnante, puis outstanding, puis là, le dancer réagit, puis il donne de l'énergie. T'sais. Il est capable d'aller chercher, on dirait, de cette lecture-là de la foule qui fait en sorte qu'une soirée va être vraiment mémorable. Donc, beaucoup de respect pour lui. Puis c'est lui, justement, qui va être au 10-12 ce soir pour vous impressionner avec sa musique et avec aussi l'Odyssée qui va mettre un débit technique. J'ai regardé les coffres qu'ils ont amené, puis on a vraiment un défi technique de lumière qui va être incroyable. Ça, c'est les lumières surtout qui vont faire le party. Là. C'est comment ça s'appelle? C'est le party disco. Party disco, ok. Pas de la rentrée. Puis ça, en plus, à la chaise galerie, pas haut. Oui. Mais il va y avoir Tony Lasauce qui est un drummer. Tony Drop Lasauce. Ouais, c'est Tony Drop Lasauce. Ça a l'air vraiment de l'aimer, celui-là. Ah non, je l'ai déjà vu en spectacle. Ah, ok. Ouais. Ok, c'est là. Fait que lui va être à la chaise galerie pour faire bagner vos oreilles autant que le 10-12. Donc, plein de plaisir ce soir. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je vous avertis tout de suite, par exemple, après avoir discuté avec plusieurs personnes, ce sera pas juste de la musique disco. Non. Ah, okay. Non. Parce que 5 heures de disco, je sais pas si quelqu'un a envie de ça. Mais pas moi. Non, ouais, non, c'est ça. Ça peut être lourd. Ça a l'air que le DJ non plus. Donc, il va en avoir. Il va en avoir, évidemment, parce que veux pas, ce serait pas un party disco sans musique disco. Fait que ça devrait être quelque chose de assez intéressant. Mm-hmm. Ouais, j'ai même une petite surprise. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je vois qu'il nous reste du temps. Ben oui, certainement. Excellent. Il y a une nouvelle série. J'ai commencé à regarder durant le temps des fêtes. Vous l'avez peut-être déjà entendu parler. Je sais que Tania me parlait, l'avoir déjà écouté. Ça s'appelle Shameless. Ouais. Ça dit quelque chose, mais sans plus, c'est quoi? Ouais, Shameless, en fait, ben, je vais commencer par juste décrire le nom. Le nom étant Shameless, donc on parle de pas de honte. Mm-hmm. Puis, comment je pourrais dire? C'est vraiment bien décrit dans la série. Je savais même pas que c'était possible de montrer ça à télé. Ouais, non, c'est ça. Il y a des choses qui sont vraiment incroyables. Ah, sérieusement. Puis, tu sais, t'as vraiment des personnages qui ont des castings vraiment distincts, mais qui s'entrecoupent, puis on dirait qu'ils apprennent pas, tu sais, de leurs erreurs. C'est ça qui est assez drôle aussi. Parfois, ça les met dans des situations assez rocambolesque, on pourrait dire. Est-ce que c'est drôle, dramatique? Oui, c'est très drôle. Ouais, c'est drôle, mais il y a des épisodes qui sont dramatiques quand même. Oui, effectivement, on passe un peu par toutes les sources. C'est vraiment, c'est bien écrit, je vous dirais. Là, c'est intéressant à regarder, c'est le fun. Puis, je vais décrire un peu le casting des personnages pour vous donner une idée, vous mettre un peu dans l'ambiance sans vous gâcher de punch. Parce que c'est tellement plate, ça, faire spoiler dans la vie. D'accord. Fait que, on va commencer avec Frank, qui est le père de la famille, qui est la personne la plus selfish puis la plus absorbée par lui-même qui existe de tout l'univers. Mais qui est aussi un alcoolique fini qui n'a jamais dormi dans un lit. Ouais. Il dort toujours sur le plancher, complètement pacté. Fait que ben, ça me donne une idée un peu du contexte dans lequel on est. Là. On est dans la ville de Chicago au niveau de Shameless, où une famille de 6 enfants, donc une fille de 21 ans qui gère un peu la famille, qui sont tous plus jeunes, qui vont tous à l'école. Puis elle essaie de faire en sorte que tout le monde s'en sorte puis réussisse, malgré le fait qu'elle a dû faire des sacrifices parce que le père est alcoolique puis la mère a disparu. Donc, la mère étant Monica, une femme complètement bipolaire qui est assez... Ouais. elle va faire des trucs assez fucked up, elle aussi. Puis en fait, elle et Frank, pour chacun de leurs enfants, ça c'est un petit spoil, mais ça vaut la peine, ont essayé une sorte de drogue différente pendant que Monica était en grossesse, en fait. Donc ouais. Chacun a comme vraiment des capacités différentes, a vraiment plusieurs éléments qui les distinguent, puis on l'associe dans la série à la drogue qui a été utilisée pour concevoir l'enfant. Donc on pense à... On va descendre en fait les enfants, ayant Fiona, celle qui a 21 ans, qui a justement fait beaucoup de sacrifices, qui est vraiment... Elle se donne pour la famille, là, vraiment beaucoup. Puis, mais elle est aussi un peu... Elle a des traits du sport, elle est un peu self-absorbed. Elle a aussi... Parce qu'il y a Jesse, qui est comme son chum, le gars qui court après à côté. Puis que lui, on comprend pas vraiment pourquoi il traite dessus. Ouais, mais vraiment. C'est genre une fixation, là. Ouais. Puis finalement, il finit, ben c'est ça. Fini par tirer son épingle du jeu, mais lui qui est comme un peu, il a une famille riche, mais il veut pas ça, il veut rien de ça. En fait, ouais. Il trouve que c'est complètement stupide, puis il préfère le crime, puis genre le aller dans cette famille là qui, tu sais, qui survit malgré ce qu'elle peut, là, vraiment. Puis mais c'est quand même bien. Sinon, il y a Lip aussi, de son prénom Philippe, qui est complètement un génie, mais qui a aucune ambition. Fait, on connaît tous quelqu'un. En fait, moi, j'en ai connu. J'ai travaillé avec des gens comme ça qui avaient vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel, mais qui décidaient de travailler, par exemple, chez McDonald's ou de continuer la date, qui vivaient bien avec ça, mais que tu jasais avec eux autres. Il y avait un paquet de connaissances générales, super bon en mathématiques et tout, mais c'est pas des connaissances qu'ils avaient le goût d'exploiter. Donc, c'est un peu ça du côté de Lip. Puis tout le monde essaie de le pousser à aller plus loin, mais lui, il est comme je m'en calisse, on est tout chier. Hey. Je m'excuse. Désolé, faut pas dire ça en nombre. Donc, puis sinon, après ça, on a Ian, qui est quelqu'un qui veut juste aller dans l'armée, il s'entraîne vraiment fort pour ça, mais qui est aussi homosexuel, puis ils décrivent aussi dans la série, tu sais, d'un point de vue qui est assez ouvert, vraiment, je trouvais ça bien. Ouais. C'est sûr qu'on exploite aussi le côté de la sexualité à travers ça, mais on essaie de désensibiliser sans aucune, sans aucun filtre. Ouais, aucun filtre, mais c'est aussi le côté shame, en français. Aucune honte, tu l'as dit. Aucune honte, exactement. Donc, il y a pas cet aspect-là qui est exploité, puis c'est vraiment, je trouve que c'est bien, c'est une manière de désensibiliser, je trouve, le public. De normaliser. De certains aspects, de normaliser la chose, exactement, puis je trouvais ça quand même bien. Après ça, on a Debbie, qui est comme un peu une espèce de Fiona, mais en plus jeune, puis qui est comme qu'elle sait tout gérer un peu, mais qui est aussi des fois qui part dans des rages complètement incroyables. Non, mon Dieu. Tu sais, elle a aussi le côté, parce que la famille s'appelle la famille Gallagher. Ah, ils ont tous ce petit côté-là de fais-moi pas chier ou je t'écrase. Ouais. Sérieusement, c'est vraiment ça. Fait que tu sais, je vous laisse imaginer un peu. Puis il y a aussi Liam, qui est un personnage qui est tellement jeune qu'il parle pas. Il est juste là. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est un enfant mulâtre dans une famille blanche. Mais tu sais, c'est comme tout le monde sait que c'est l'enfant de Frank, pour vrai. Mais en tout cas, bref, c'est comme c'est pas clair qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas clair c'est l'enfant de qui. Fait que bref, mais il fait quand même partie de la famille, puis il parle jamais. Fait que, il y a clairement pas la même mère, mettons. Ouais, exactement. Donc ça me donne un peu une idée du casting dans Shameless. Il se passe des situations justement, tu sais, dans un downtown Chicago, dans le South Side, en fait, puis le sud de la ville. La ville qui est assez, un quartier un peu plus pauvre, qui a vraiment beaucoup de trains, plein d'affaires de même. Puis, tu sais, il y a du monde qui se tape sa gueule, il y a du crime, il y a des armes, il y a comme, tu sais, on y va vraiment, sans aucune honte, mais vraiment dans un aspect de la société qu'on est moins habitué d'explorer à travers les séries télévisées, je trouve. Donc, on n'est pas vraiment dans l'opulence comme dans une série comme House of Cards ou Suits. On est vraiment dans quelque chose qui est les deux pieds sur terre, qui est, tu sais, c'est sûr qu'il y a des situations complètement rocambolesques, c'est comme, ben non, ça se peut pas, mais quand même, on y va dans une exploration un peu d'un mode de vie qui est un peu plus, je dirais, tu bon, en regardant cette série-là, tu te dis, ok, ouais, j'ai certains trucs, j'ai accès à certains trucs, tu sais, mettons, ceux qui vont à l'UQTR vont dire, j'ai accès à de l'éducation, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, puis je trouve que ça permet de ramener un peu les pieds sur terre par rapport à ça, puis je trouve ça le fun aussi de ça rend humble, je pense, un peu. Fait que, bref, une série super intéressante, je vous la conseille, plus tard, ça va faire ça, je vais donner une cote. Okay, oui. Là, je suis rendu à saison 3, par exemple, donc je pourrais pas dire plus loin, mais là, il y a un petit dans la saison 3. On est il y a combien de saisons tout? Il y en a 7. Il y en a une nouvelle qui vient juste de sortir. Donc, je vous dirais que, mettons, saison 1 et 2, j'y donnerais un bon 7.5 sur 10. Jusque-là, tu sais, c'était quand même, c'était bon, c'était suivable, puis genre, j'ai quand même aimé ça, mais saison 3, Mathieu, il va sûrement avoir une reprise dans les prochaines saisons. Parce qu'on voit que ce qui faisait le succès de la série, j'ai l'impression, ils ont arrêté de l'exploiter. Tu sais, dans l'évolution des personnages un peu, puis dans comment que la série évolue, ils ont laissé la recette gagnante de côté, puis ils vont probablement la reprendre dans les prochaines saisons. Donc, pour la saison 3, je donnerais peut-être un 6 sur 10. Là. C'est vraiment... Je suis rendu assez loin, puis j'ai toujours pas accroché. Tania, c'est quand même avec William H. Macy, puis Amy Rossum. Je sais pas si tu connais Rossum, mais c'est elle qui jouait, entre autres, le rôle principal dans Le Fantôme de l'Opéra. Donc, c'est un rôle qui vient contrairement à l'encontre de ce dans quoi elle a déjà joué. Puis, elle disait dans une entrevue à un moment donné qu'elle a vraiment du plaisir à faire ça, parce que, justement, c'est contrairement l'opposé de ce qu'elle fait tout le temps dans les rôles. Elle est tout le temps la petite fille parfaite, puis tout ça. Puis là, c'était autre chose. C'était un défi qui était quand même assez grand. Puis je pense que j'ai arrêté dans le même bout là, qu'Alex vers la fin de la deuxième saison, début troisième. J'ai déménagé, en fait, donc ça l'a fait en sorte que j'ai arrêté pendant un moment d'écouter la télévision, d'écouter les séries. Puis j'ai juste pas eu ce besoin existentiel d'y retourner, le recommencer. Je comprends. C'est sûr, puis en trouvant d'autres séries aussi, on accroche ailleurs, puis là, tout d'un coup, c'est donc bien plaisant. Là. Puis, fun fact, j'essaie de dire les mots plus en français, c'est pas toujours facile. Merci, je ne dirai plus jamais fun fact. Fait inusité, Amy Rossum a un CV complètement incroyable. Ouais. Elle a commencé à peu près dans les 12-13 ans, tu sais, vraiment à monter dans sa carrière, à faire de l'opéra, entre autres, puis, comme tu disais, le fantôme de l'opéra, elle a vraiment beaucoup d'expérience dans sa carrière. Puis c'est un peu drôle de voir aussi là où elle est rendue, parce qu'honnêtement, on doit voir sa poitrine au moins une fois pour tous les deux épisodes. Fait que tu sais, ça coûte cher, on dirait, à cette heure, aller se montrer boule à TV. Donc je trouvais ça quand même assez inusité, mais reste que c'est quand même une actrice, elle réussit très bien son rôle. Ça va plus loin que ça, je trouve. Je trouve, tu sais, on parle beaucoup d'objectification de la femme, puis il y a un nouveau courant féministe, j'ai l'impression que ça en vient. Je trouve ça un peu dommage en même temps qu'elle soit obligée de faire ça dans le contexte de son rôle en même temps. Je sais pas si elle est obligée de le faire, mais quand même. Oui. Ouais. Ouais, c'est que dans le scénario, probablement. J'imagine que dans la saison 1, en recevant le script, elle savait dans quoi qu'elle s'embarquait. En fait, en même temps, elle l'a accepté, mais tu sais, je trouve que c'est peut-être pas nécessaire des fois. Mm. Mais bon, c'est correct aussi. La sexualité existe, puis c'est correct dans la mesure où les gens qui le font là, sont consentants. Mais c'est ça, je trouve qu'Amy Rossum pourrait avoir. À ne pas faire ça dans le cadre de son rôle, mais bon, elle a choisi de le faire, puis c'est bien correct comme ça, au plaisir de certains spectateurs. C'est ça. Ouais. Shameless, donc, c'est sur Netflix? Oui, Netflix, exactement. Puis j'imagine à d'autres endroits aussi sur Internet, là, si vous connaissez bien. Je pense que c'était une série des ABC. Non, je pense que c'est sur le câble, non? Ouais. Je suis pas certain. Moi non plus, je pourrais vraiment pas dire, parce que, tu sais, sur Netflix, il marque pas. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu dur de regarder la chaîne. Mais vous pouvez aller regarder sur Internet sans problème, marquer Shameless. Vous allez trouver, je ne suis pas inquiet. Ouais, exactement. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous encore pour votre temps. C'est toujours bien apprécié. Apparemment qu'en français, on appelle ça sans regret. Exactement. Sans regret. Je ne savais pas. Je conseille la version originale, par exemple. Toujours. C'est toujours meilleur. C'est sur Showtime en passant. C'est bien sur le câble. Merci encore une fois, Alex Marchand. À la semaine prochaine, mercredi à 9h30. Ok, oui. Écoutons, tiens, la chanson thème de Shameless. C'est par The High Strung. Voici The Luck You Got. High Strong avec The Luck You Got, qui est la chanson thème de Shameless. Et voilà. On finit toujours par se rendre éventuellement à l'information qu'on recherche, hein? Tout à fait. C'est pour ça qu'on a Sébastien Gartin avec son bulletin Gartin. Bonjour Sébastien Gatin. Bonjour. Il vient de remettre sa capine. Ouais, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, ça va être une chronique avec podcast, mais avec capuche. Oh! Non, c'est pas j'ai froid. Ouais, ben, c'est ça. Ouais, c'est un de ceux qui ont peigné le rhume, non? C'est ça? Ouais, c'est... On le sait pas encore. C'est sur le bord. Ça titille. C'est à date, je n'ai pas eu. Normalement, je suis au moins une couple de journées sur le derrière dans le temps des fêtes. Cette année, à date, je m'en suis bien tiré depuis qu'il fait frette, mais là, j'ai l'impression que ça va me rattraper. Tu sais, toi, loin de Mathieu. Ça me paraît d'en face, je pense. Ouais. Donc, bref, hein, on n'est pas là pour faire pitié. Hein? Ben c'est ça. On est là pour se renseigner sur l'actualité. C'est ça. D'ailleurs, fait important dans l'actualité, on a changé d'année. Ben oui. Hey, oui, hein? Hey, breaking news. Ben ouais. Dernière heure. Faut le dire. Faut le dire. Bonne année. Ah, bonne année. Ouais, ouais, ouais. On se l'est dit, Mathieu, jusqu'à mars, on va en avoir. On est le 10 janvier, ça va bien. Oui, ça fait ça continue jusqu'à dimanche. Oui, le 10. Oui, le 10. Ça, c'est tout à compliqué hein, au mois de janvier, les dates. Ça, on se mêle tout le temps, mais à mauvaise année. Ouais. Ben, c'est à cause du congé. C'est ça, le congé. Oui. Les jours, quels jours? Sommes-nous, on s'en fout. Le congé nous rend compte. Oui. Oui, en effet. Oui, ça. C'est son en tout cas, ça ramollit le cerveau. Vous voyez que je fais le moyen, je fais des jeux de mots pires que ceux de Mathieu. on se comprend là-dedans. En tout cas, Mathieu, un matin, il en fait pas beaucoup. Tania, faut que tu sauves la mise aujourd'hui. Et hey boy. Bonne chance. Sors les gags. C'est ça. Okay. On va me forcer les boys. De quoi est-ce qu'on parle, Sébastien? De quoi on parle aujourd'hui, en fait, on va parler de le sujet préféré des ménagères américaines, c'est-à-dire Oprah Winfrey. Oui, ben oui. Vous l'avez vu venir. Je m'attendais à Martha Stewart, mais tu sais, hein, c'est correct, 2018. Elle a fait de la prison, Oprah. Ça n'a pas marché. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, Martha Stewart, c'est putain d'actualité. Ouais. Mais quoi que ça arrive. Okay, d'abord. Voyons. Sois à jour. C'est recette, c'est recette. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça, c'est... Ben, en fait... Pourquoi j'en parle? Ben, c'est Martha Stewart, il n'y a personne qui a demandé de devenir président des États-Unis. Non, en effet. Tandis qu'Oprah, hein? Oprah, c'est ça. Elle a ouvert la porte à ça, quand même. Elle a ouvert la porte à ça. Là, en fait, pour le monde qui font Inc, de venir juste de se réveiller, de quoi on parle, en fait, c'est que... Au Golden Globes. Au Golden Globes, exactement. Merci, Mathieu. Je vais avoir besoin d'aide aujourd'hui, je pense. D'accord. On essaie. On est là. Bon, Oprah Winfrey a fait un discours pour avoir après avoir reçu un prix. Après avoir reçu un prix. Cecil B. DeMille Award, quelque chose. Ouais, c'est ça. Moi non plus, je l'ai pas. Mais en tout cas, bref. Lors de son discours, bon, apparemment que son discours était très inspirant. Comme je l'ai dit, c'est une chronique avec pas de casque. J'ai pas pris le temps de l'écouter, mais en tout cas. Il est quand même long, là. Ouais, en plus. Suite au dit discours. Et le discours est pas tellement important, c'est la raison d'être de pourquoi Oprah Winfrey devrait ou devrait pas se présenter à la présidence qui nous intéresse, j'imagine. C'est ça, c'est qu'après le discours, ben là, il y a beaucoup de gens qui ont appelé Oprah Winfrey à se présenter en 2020 à la présidentielle américaine. Puis là, c'est là que la crotte a atteint la femme. Oh boy! Ouais, ouais. C'est la première fois de l'entendre, celle-là. En français, hein? Ouais, c'est ça. Hein? C'est une de mes... Traduction? Non, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que tu prends... Une vertu? Un nouvel an, là, résolution. Résolution. C'est de moins parler en anglais en anglais. Ah, ouais. Okay. D'où la traduction. Fait qu'en fait, c'est ça. Je vais passer l'année à faire des traductions boboches d'expressions anglophones. C'est correct, on aime ça. C'est ça. Ça va alléger un peu le... Je m'en allais vraiment dire alourdir. Ça va alléger un peu les sujets parfois lourds que j'ai tendance à traiter à 7h le matin. Donc, on traduit Oprah Winfrey par Oprah. Winfrey. Non. Winfrey. Sans victoire. Winfrey. Ouais. Sans victoire. Ouais, ok, peut-être. Ouais. Brunch. Imagine mon plan. Fait qu'elle perdrait en 2020. C'est ça. C'est ce que tu es en train de nous prédire. Ben, c'est ça l'affaire. Ouais. C'est que. Est-ce qu'on combat le feu par le feu en mettant une vedette de l'entertainment? Parce que c'est ça. La première affaire, le monde... Parce que là, c'est ça. Il y a vraiment deux gangs. Puis justement, j'en jasais hier avec Lucas Hubert. Co-animateur de la sortie de quoi dans notre gauche. C'est ça, jeudi. Et futur. Ouais, 18h? Pas ce jeudi. Là. Ah, là, OK. Ouais. Là, 18? On commence... 18. 18. Commence à 18. À 18h. À 18h. Okay. Oui. Oh. Nouvelle case horaire. 18, on fonctionne 18, le soir maintenant. As-tu vu? 18 du 1, 18 à 18. C'est pas le genre d'affaire auquel je pense. Mathieu, mais... oui, il calcule tout. Genre, fait un poster avec ça. Manque juste ce qui manque, que ce soit le 18e mois. Ouais. On va se trouver un calendrier spécial. C'est ça. Où vous avez 18 invités. Comme à soir, encore jeune. Ouais. Ouais, ok, 18 invités. On n'a jamais eu plus qu'un de la shot. Fait que on va travailler là-dessus. Hein. On va faire travailler les recherchistes. Merde, on n'en a pas, c'est vrai. Hein? Ok, bon, ben en tout cas, je vais pas te décevoir, Mathieu, mais ça va peut-être pas arriver. Bon, là, j'ai perdu le fil. Oprah, c'est oui. ça. Et donc, son discours. Pourquoi le monde... la première raison, en fait, il y a beaucoup de monde qui fantasmait déjà sur le fait qu'Oprah se présente à la présidence. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que c'est un peu l'anti-Trump tout en étant un peu la même affaire. C'est ça, ouais. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment le yin à son yang. Mm-hmm. C'est à Trump qui est... Pourquoi ils sont dans le même petit cercle chinois, là? C'est que, ben, c'est deux vedettes, deux célébrités mm-hmm. People, un peu. Ouais, de la télé, entre autres. Ah, j'ai dit people, excusez. Peuple. Population. Populaire, tu sais, de la télé, qui sont riches, qui ont un peu une image de self-made person. Ouais, mm-hmm. qui sont devenus milliardaires en travaillant fort. Personne n'a auto-fait, ouais. C'est ça. Tu sais, bon, on sait que Trump y a hérité, tandis que Oprah, ouais. ben, elle a vraiment... Elle a vraiment travaillé pour. Mais ça reste que Trump a quand même, bon, on fait abstraction des faits puis qu'on va plus avec la réputation, ben c'est un peu la même chose. T'sais, c'est deux entertainers, mais qui sont à la base des gens d'affaires. C'est ça, deux gens qui mettent leur nom sur plein d'affaires. C'est ça. T'sais, la tour Trump, Oprah, sa chaîne de télé, c'est ça, chacun c'est leur. La chaîne de télé, il y en a plusieurs, ça me semble. Ouais. De leur auditoire respectif, très apprécié. Trump, c'est un peu les angry white people, les personnes blanches fâchées. Mm-hmm. Oprah, ben c'est un peu tout le reste, c'est-à-dire son auditoire est beaucoup plus féminin. Les gens de couleur l'aiment bien parce que ben c'est une femme de couleur qui a réussi. Mm-hmm. Tu sais, c'est un peu la personnification du rêve américain. Mm-hmm. Hein, elle est vraiment partie de rien. Ouais. Puis elle-même est beaucoup plus démocrate que républicaine. Ben oui. Donc là, c'est là qu'on voit pourquoi est-ce que c'est le yin à son yang. C'est que même si elle a un dans le sens qu'elle a un peu la même, comment je dirais ça, fonction sociale à l'origine que Trump, mm-hmm. en termes d'auditoire, en termes de point de vue, est un peu le contraire. Mm-hmm. Un petit peu moins peut-être, un petit peu plus ouverte à changer d'idée ou à dialoguer. Peut-être, oui, c'est sûr qu'elle est un petit peu dans le cliché, le cliché là, un peu du féminisme de deuxième vague, de dire oui, faut intégrer les femmes dans les lieux de pouvoir, pas à cause de l'égalité, pas à cause que une femme peut faire la même chose qu'un homme et que toutes ces choses-là, c'est des constructions sociales, mais plutôt que justement, ben, ok, le genre féminin est plus plus à l'écoute. Plus... Mm-hmm. Fait que, tu sais, Oprah a un peu ça, là. Ça personnifie un peu ça, là, l'espèce de féministe de deuxième vague, là. De oui, là, tu sais, les rôles traditionnels féminins sont importants à avoir dans les lieux de pouvoir, puis elle, est dans les lieux de pouvoir, puis elle amène un peu cette chose-là. Ben, les médias ont tendance aussi à montrer comme, ou à souligner, ou à ambitionner le côté sensible des femmes. Tu sais, j'ai lu un article sur Marie-Pierre mm-hmm. Morin. Qui va animer le nouveau jeu télé de TVA. Face au mur. Que là, l'article disait, il fallait absolument que l'article mentionne que quand t'es entré sur le plateau pour la première fois, elle a braillé, tu sais. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on est obligé? T'émotive. Oh, hein? C'est une femme sensible. Exactement. Je sais pas. Ça aide, ben. Mais ça reste que cette image-là, dans le cas d'Oprah, elle s'est née beaucoup. Elle s'est vraiment. Comment je dirais ça? Elle porte comme une cape, mettons, ouais, on pourrait dire. Un badge d'honneur. C'est un peu son jusqu'à un certain point, même son armure, sa raison sociale. Mm-hmm. Que, ben, tu sais, c'est des spectateurs. Son émission de télévision, ben, c'est des. Tu sais, elle fait réconcilier des gens. Ouais. Tu sais, tout ça, là. Tu sais, un peu, justement, c'est un peu la Claire Lamarche américaine. Ouais. Claire Lamarche, c'est un peu la Oprah canadienne jusqu'à un certain point. Puis même, il y a même pas de. C'est même pas Québec possible quasiment de trouver quelque chose à dire. Là, je vais en dire tantôt des choses contraires. Ouais, c'est mais... ça. Ben, ça, c'est ça. Le fanal s'en vient. La brique et le fanal s'en viennent. Mais tu sais, les seules parodies qu'on a vues à date des talk shows, c'est genre, tu vas avoir des soins de santé, tu vas avoir des soins de santé. Ça, elle donne tout le temps des affaires. Donc, on se reportait à penser qu'elle est quand même assez à gauche. Ouais. Or, parce que là, on se dit c'est le penchant à gauche de Trump un peu. Puis là, c'est ça, j'en parlais avec Lucas hier. C'est un peu lui qui m'a d'ailleurs donné l'idée de faire la chronique là-dessus ce matin, parce qu'honnêtement, j'étais très embêté hier de quoi j'allais parler. Mais que ben, si vous regardez un peu présentement, les gens... On peut dire que généralement, les gens ont une relation amour-haine avec cette idée-là. Oui. C'est-à-dire que Oprah, oui, d'un certain côté, elle va ben, contrebalancer aux États-Unis, ils ont le terme le hate-mongering, c'est-à-dire l'incitation à la haine. Oui. Carrément. C'est encourager la petite haine ordinaire, là, la haine de l'autre ordinaire, mettons. Là, pas les grands gestes comme le terrorisme, ainsi de suite, mais juste la petite agressivité, alors qu'Oprah semble vouloir incarner du positif, ainsi de suite. Par contre, pour ce qui est vraiment des politiques, Oprah n'est pas nécessairement la personne la plus socialiste, on pourrait dire. Dans le sens que ça reste un peu de la frange des démocrates qui sont plus proches quand même de notre, mettons, dans notre spectre politique canadien, plus proches quand même d'une genre de droite économique. Donc, libre marché, pas nécessairement tellement pour des soins de santé accessibles, pas nécessairement pour l'accessibilité des études, ainsi de suite. L'espèce de centre travailliste, mettons, vous pourrez dire. Les gens sont zéro renseignés avant de l'encourager à la présidence. C'est ça. L'image est belle. Ouais. Tu sais, Obama, Trump, Oprah, waouh. Ouais, c'est ça. Sandwich. Ouais. C'est ça. L'Oreo. Sauf que la crème est orange. Ouais, c'est ça. C'est Oreo édition spéciale. C'est ça, Halloween. Ouais. Creamsicle. Ouais, c'est ça. À la citrouille. Mais, là, c'est ça, le... C'était presque raciste, en fait, comme cause. Absolument pas. De parler de la couleur de quelqu'un, pourquoi ce serait raciste? Ah, bon point. Moi, ça, je la comprends. Non, c'est pas, on l'a pas été de façon péjorative. Ah non, c'est ça, exactement. C'est ça. Comme si on sait bien, tu sais, puis là, quelque chose contre les Noirs. Hein. C'est juste d'exposer la couleur d'une peau. Mon smoothie est rose, c'est pas raciste. En tout cas. Hein? T'as rien contre les framboises. Ton couvert de micro est rouge. Oui. C'est un clown. Ouais, c'est ça. Bref, on tue au racisme. C'est ça qu'on t'aime. Ouais. Merci. Donc, c'est ça. Donc, ben, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que ça serait un peu un gros pied de nez aux supporters de Trump et à Trump de présenter. Surtout que ben, les conjointes des messieurs blancs, chauffeurs de pick-up, qui ont voté pour Trump, ils aiment bien Oprah d'habitude. Même si elle est peut-être pas tout à fait exactement les mêmes politiques que ça. Eux autres, c'est raciste. Ils vont dire, est une des bonnes noires. Ouais, c'est des choses que ça, tu vas entendre. C'est raciste. Ça, c'est raciste. Ouais. C'est des choses que tu vas entendre, effectivement. Fait que c'est. Tu sais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a comme un intérêt. Puis un peu, je vais faire un petit parallèle. Puis là, je vais encore faire ça sur un de mes clous préférés. Mais c'est un peu comme la quête de Messie du PQ. Tu sais, le PQ, quand il élise un chef, ça a tendance à être une course à... Ça va être qui le bon chef qui va nous redresser? Pis, non, ça va être qui le messie qui va venir nous sauver. Puis là, dites-vous que tous les mots sont en majuscule. Il y a une lettre majuscule au début. Là. Venir nous sauver, sauver la cause. Cause avec un C très majuscule, là, avec l'enlumineux puis tout. Là. Sauver la cause souverainiste, le S aussi enluminé, tout le kit. T'sais, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Venir sauver la cause des pas fans de Trump, mettons. Parce que c'est ça, l'affaire, le problème un peu avec Oprah, c'est ça, c'est que c'est pas une Bernie Sanders, c'est pas une Elizabeth Warren. Bernie Sanders, c'est pour ceux qui vivent en dessous d'une roche depuis 2 ans, s'était présenté aux primaires contre Hillary Clinton, s'est fait couillonner, ce qui a fait qu'Hillary Clinton a été la candidate présidentielle et s'est fait ramasser par Trump parce que c'était pas solide. La personne de la situation, mais pas pantoute. Et non, pas à cause de son utérus, à cause que là encore, Hillary Clinton, c'est dans les plus à droite des démocrates, là. C'est les démocrates qui couchent avec les républicains. Là. Je veux dire, le Clinton a été un des plus républicains des présidents démocrates. Clinton Marie. Oui. William. William Jefferson. William. Je sais pas. Non, c'est pas Nathan. Peu importe. Mais bref, il utilise pas, on le voit pas souvent appeler William ou Will d'ailleurs. Non, hein, c'est pas mal tout le temps Bill. Will. Mais c'est ça, ben apparemment qu'Oprah serait pas mal dans cette lignée-là aussi. Contrairement à, mettons, Bernie Sanders qui avait fait campagne sur la gratuité scolaire, sur le social-démocrate. Social-démocrate, là, vraiment. Tu sais, un autre de ses gros points, c'est un système de santé style canadien, c'est-à-dire ce qu'il appelle un guichet unique. Donc, une assurance fournie par le gouvernement, une assurance maladie fournie par le gouvernement. Pas. Qui disait qu'éventuellement il faudrait qu'elle devienne gratuite, mais c'était pas ça qu'il disait qu'il ferait dans un premier mandat, mais en tout cas c'est toute une autre histoire. Elizabeth Warren, qui était pas mal la même clique que Bernie, qui a même été peut-être considérée pour être une colistière de Hillary Clinton, pour aller rechercher un peu le vote plus à gauche, qui finalement ne l'a pas été, pour différentes raisons stratégiques, on pense là. Avec Tim Kaine, hein. Il y a une, ouais, c'est ça, il y a une élite démocrate qui a peut-être considéré qu'avoir deux femmes qui se présentent de c'est front. Trop en même temps, c'était trop. C'était trop en même temps, là. Trop d'utérus à Maison-Blanche, ouais, on n'aime pas ça. Mais donc, c'est correct pour animer l'émission du matin sur NBC. Ils sont rentrés deux femmes ensemble. C'est ça. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct, mais non. Et Gino va toujours être ça. Parce qu'il y a besoin de tout le contrat. Exact. Je pense. Hein? Paycheck style. Non, mais on sait. Pourquoi ils sont pas deux? Gino dit ça. Partout ailleurs, c'est au moins deux personnes. Ça coûte cher, lui. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, Oprah, c'est ça, c'est beaucoup plus la libre entreprise, le rêve américain dans peut-être ce qu'il peut avoir de plus illusoire, disons. C'est-à-dire que ta réussite dépend vraiment uniquement à quel point tu vas travailler pour, puis vivre la philanthropie, puis faut laisser les riches contribuer à la société de la manière qu'ils veulent. Mais c'est sûr que c'est un peu facile à dire pour elle. Puis... tu sais, qu'elle peut mettre son nom sur n'importe quoi, ça va être populaire. T'sais, son magazine, ses soupes, peu importe. T'sais, c'est sûr qu'elle met son nom dessus, puis ça se vend. T'sais. C'est pas comme n'importe quelle autre personne qui pourrait lancer quelque chose. C'est facile. C'est son nom est déjà fait. C'est ça, quand ton nom est fait, c'est facile de dire après, t'as rien qu'à travailler, puis tu vas te rendre. Je veux dire, il y a nécessairement. Tu sais, si Oprah avait attrapé un cancer au mauvais moment quand elle débutait sa carrière, elle serait pas Oprah qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est une affaire que les gens, ces gens-là ont souvent tendance à ne pas reconnaître. Ce qui explique la relation amour-haine, en fait, tout ça, ça explique la relation amour-haine des gens envers une éventuelle candidature d'Oprah. C'est que, oui, ça serait mieux que Trump. C'est tentant d'aller jouer dans ces mêmes eaux-là. Mais en même temps, puis ça, c'est l'autre chose, c'est qu'il y a bien du monde qui disent, moi, il faudrait peut-être arrêter avec le vedettariat en politique. Exactement. Mais comme, c'est ça, de ce côté-là, il y en a qui disent qu'il faut combattre le feu par le feu. La seule façon de battre un entertainer, ça va être d'avoir un entertainer. Ouais. Peut-être. Ou par un vrai politicien sérieux qui a un projet inspirant. C'est sûr. Tu sais, combattre le feu par le feu. Tu sais, moi, l'expression combattre le feu par le feu, c'est tout le temps très drôle. Qui c'est qui rajoute du feu pour arrêter un feu, tu sais? Dans c'est la vraie un vie, maudit bon point. Analysons la. C'est la phrase. Tu mets de l'eau sur le feu. Papa Bernie est l'extincteur du feu de Trump. La bicarbonate de soude. C'est ça. Cheveux blancs. C'est ça. Voilà. C'est ça. Cheveux blancs au vent. C'est ça, au vent. Hein? Ben oui. Tu sais, puis si tu veux battre les cheveux de Trump en comb over, ben tu prends les cheveux de Bernie qui sont dans les airs au vent. C'est ça. C'est ça. Non, puis Bernie, je pense que lui-même avait dit qu'il se taperait pas une autre course. Il va avoir question, combien, 92 ans? C'est ouais, c'est ça. Ben, il n'est pas si vieux que ça. Il a 60... 70... 15. Ouais, c'est ouais. Ça, 75. Non, il va être rendu vieux. Mais ben, je veux dire, ça n'aura pas été... Le président américain, c'est souvent... Ans, genre, c'est ça? C'est ça. Il n'est pas tellement plus vieux. Bernie, c'est qu'il a l'air plus âgé. Là, c'est les cheveux. C'est ça, puis il est pas, je veux dire, il est un petit peu moins obsédé par son apparence que Donald. Hey, Donald, son apparence, sérieusement. Hein? Sérieusement, tu veux jouer au golf? C'est ça. Sérieusement. Hein? Peut-être son PFK. Bref, non, mais tu sais, le sport, c'est pas bon. Hein. Non, Trump avait dit ça. Non, c'est la devise à Mathieu. Ton corps est comme une batterie avec une montée d'énergie fixe entre c'est ta ça, naissance c'est... et ta mort. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est comme. Ouais. Mais justement, parlant de gris-gris et de quick-quack et de folerie... C'est une autre chose. C'est comme le troisième point d'accroche avec... Est-ce qu'on a le même? Oprah, ouais. Ben, c'est que... Bon, tu sais, je dis troisième point d'accroche. Premier, est pas nécessairement aussi social-démocrate qu'on le croit. Mm-hmm. De deux, combattre le feu par le feu, c'est vraiment une bonne idée. Et trois, finalement, ben, un des gros défauts d'Oprah, c'est qu'elle a été très... C'est probablement la meilleure amie de la pseudo-science aux États-Unis. Tellement ça! Mm-hmm. C'était ça ton point? C'est elle qui a fait sortir Dr. Oz et Dr. Phil, un faux psychologue, puis un gars qui paddle des pelules qui servent à rien. Ouais. Puis pas rien que ça, les anti-vaxxeurs, oui, c'est aussi. Elle aussi un peu. Elle a encouragé Jenny McCarthy, l'anti-vaccin mm-hmm. et la vedette aux États-Unis. Ouais. Ouais, c'est. Ça, c'est dangereux parce que quand. Quand c'est pour vendre des livres, c'est déjà dangereux. Mais quand cette personne-là a le gros bout du bâton sur qui va se retrouver, mettons, à la tête de la FDA, de la Food and Drug Administration, ceux qui décident... Les médicaments. Les médicaments, ceux qui donnent les accréditations pour les médicaments, puis ainsi de suite, pour les matières dangereuses pour l'être humain, puis ainsi de suite. Ça change de quoi? C'est un peu comme présentement, comme un exemple, le fiasco de la... De la net neutrality aux États-Unis, de la neutralité du net, ben que notre cher monsieur grosse entreprise et Donald Trump a installé un des plus grands avocats de la des fournisseurs des câbles distributeurs aux États-Unis comme chef de la FCC, je me rappelle plus l'acronyme faisait quoi, mais Federal Communications Commission. Ouais, c'est ça, exactement. De la commission là, qui s'occupe des communications, donc qui réglemente le domaine des télécoms. Exact. Et que c'est drôle, après même pas un an en poste, on recommence à parler de neutralité du web, puis que finalement, effectivement. La neutralité du web, présentement, n'existe plus aux États-Unis. C'est la même chose pour l'environnement, le libre-échange. C'est ça, exactement. Mais tu mets quelqu'un qui est pour la pseudo-science dans le bureau ovale, il y a des chances que la personne en charge de la Food and Drug Administration soit peut-être Jenny McCarthy. Jenny McCarthy, l'anti-vaxxeur? Ouais. Tu sais, des choses comme ça, puis que soudainement, les vaccins soient rendus interdits aux États-Unis. Ouais. Que... Et toutes les cafétérias vont servir la soupe Oprah. C'est ça, c'est ça. Tu sais, c'est un point qui vient rejoindre un peu les autres en même temps. Tu sais, puis un peu comme c'était un peu une espèce de nouvelle déclinaison extrême, tu sais, de la philanthropie payante, mettons, là. Mm-hmm. Tu sais, les affaires à la fondation Bill Gates, là, on vous donne de l'argent, mais il faut que vous l'utilisez pour nous acheter des ordi, tu sais, des affaires de même, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, des trucs comme ça, là, que ça devient quasiment, j'étais à Maison-Blanche, fait que, tu sais, moi, mes produits sont meilleurs que la moyenne, fait que, tu sais, Trump l'a un peu fait, en fait. Oui, il l'a un peu beaucoup fait, là, tout le temps à faire ses conférences de presse dans ses hôtels ou ses possessions, ses maisons, ses golf. Ça a l'air de faire une éternité, puis pourtant, ça fait 8 mois de ça. Ouais. J'ai déjà oublié son nom, le premier secrétaire de presse, Sean Spicer. Que Trump n'aimait pas, puis que ça a sorti que que Trump aimait pas comment Sean Spicer s'habillait, puis lui avait carrément pointé des articles d'un compagnie de linge de Trump, puis disait achète-toi ça, puis tu vas porter ça. Hey, le linge que t'achètes fait dur, ça a pas d'allure, apprends à t'habiller, puis garde, moi dans mes boutiques j'en ai du beau linge, va magasiner dans mes boutiques. Ben oui, puis l'autre c'est juste ça. C'est qui Ivanka ou Ivana ou peu importe laquelle qui était allée sur Fox News pour vendre ses bijoux. Ils font, ils font de l'argent sur le dos de la présidence. C'est Ivana, c'est ça, je pense. Ivana. Ouais. Ils font vraiment ça tout le temps. Bon, hein? Puis c'est ça, puis on peut se dire qu'avec Oprah ça va probablement pas tellement changer parce c'est que ça. Là encore. C'est le yin au yang de Trump. Mais en même temps, moi, la question que je me suis posée quand que tout ça est sorti, parce que oui, tout le monde, vraiment, là, tout le monde, que ce soit sur Twitter, Facebook, Snapchat, là, le soir des Golden Globes, après son discours, a demandé à Oprah de se présenter en 2020. Mais elle n'a jamais répondu. Jamais personne qui a dit qu'elle avait dit oui. Et tout ce qu'on a vu comme commentaire à la, c'était quoi sa meilleure amie Gail King qui anime sur CBS l'émission du matin, qui a dit que ça l'intriguait ou l'intéressait. Mais probablement que ça intrigue quand même quelqu'un qui a une certaine connaissance de gestion d'entreprise. Ouais. C'est la plus grande gestion d'entreprise que tu peux pas avoir d'aller en politique. Pis sur ce que tu viens de dire là, Tania, il y a quelque chose que je trouve tellement intéressant là-dedans, c'est qu'un État, c'est pas une fucking entreprise. Ben, c'est ça. Ouais. Sauf que présentement, c'est géré comme ça. C'est des gestionnaires qui le font. Puis oui, ça te prend une certaine connaissance quand même en politique pour pouvoir gérer des budgets, gérer la politique entreprend. Ça, c'est une affaire, c'est que c'est pas peut-être pas aussi, parce que on en a vu beaucoup des hommes d'affaires se retrouver en politique et se péter le nez parce que c'est pas la même affaire. Mais non, exact. Tu sais, t'as des comment qu'on pourrait dire ça? T'as des talents, des habiletés, mettons, qui peuvent être transférable entre les deux. Exact. Mais les soucis que tu as à avoir derrière ça sont pas du tout les mêmes. Mais non. Une entreprise, tout ce que tu as à penser, c'est le profit. Un gouvernement, c'est pas fait pour faire du profit, c'est fait pour offrir des services. T'as tout l'aspect éthique, t'as l'aspect... tu sais, comme ton l'encore de l'aspect de devoir. Quand t'es un élu, t'es redevable envers les gens qui t'ont élu. Quand t'es engagé comme dirigeant d'une compagnie ou quand t'es PDG, ou ton seul devoir, c'est que la compagnie soit dans le vert à la fin de l'année. Mm-hmm. Et le plus possible dans le vert à la fin dans de l'année. Dans le noir, je pense qu'on dit. Bon. Ouais, je pense qu'il y a une couleur. Mais justement, c'est un gars de science humaine, moi. Ouais. Trump, qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? J'ai oublié mon point. Ben, c'est un exemple. Trump, ben, d'ailleurs, ça, c'est drôle parce que on a tendance à penser que quand quelqu'un est riche et milliardaire, c'est parce qu'il est bon dans ce qu'il fait. Trump, ça a été démoli, en fait, cet argument-là, parce que ce qui avait été dit, c'est que s'il avait juste placer son argent dans un compte épargne qui est hérité de son père, il serait plus riche aujourd'hui. Ah. Il a perdu de l'argent avec tous ses business. Mm-hmm. Ça fait pas de lui un bon gestionnaire. Là, moi, C'est ça. Parce qu'il est riche qu'il est un bon gestionnaire. Là. J'ai repensé à mon point. Trump n'arrête pas de dire « mes généraux, mon armée », comme si c'était à lui. Mais dans le fond, c'est Trump, c'est notre employé. Ben, pas notre employé, mais l'employé exactement. Des Américains. Ben, c'est le représentant de... C'est ça, exactement. Il travaille pour le peuple. En exactement, c'est ça. Mais je pense qu'à ce niveau-là, peut-être que Copra aurait une différence d'approche, mettons. Moi, je pense qu'il n'y a aucun doute que ce serait un peu mieux. Oui, c'est ça. Tu sais, je pense qu'il y aurait quand même une espèce niveau d'espoir à un certain moment. Moi, ce que je me dis, ce qu'on est sûr, en tout cas, qui serait mieux, c'est que les déclarations incendiaires à la Kim Jong-il va se faire rencontrer par Fire and Fury, puis mon gros piton. Oui, exactement. Jérusalem, capitale de l'Israël. Ça serait plus long. Elle a fait mal, celle-là. Ouais. C'est dépendant s'il n'y a pas de quoi d'autre d'intéressant qui sort la semaine prochaine, je vais peut-être en parler, mais celle-là, je voulais même pas en parler aujourd'hui parce que j'étais encore trop découragé et insulté de tout ça. Ouais. Est-ce que tu as commencé à lire Fire and Fury un petit peu? Non. J'ai acheté le livre électronique. J'ai lu un chapitre à date, c'est bon. Ah. Ouais. Tant mieux. Ouais, ben c'est ça, je te le conseille. Ben c'est merci. c'était la partie infopub. Ouais, c'est ça, exactement. On parle de Oprah. C'est la partie émotive. Ouais, c'est ça. Oprah faisait un book club. Ben oui, certainement. Ouais, mais tu sais, il faut pas quand même enlever à quelqu'un qui voudrait peut-être se présenter à la présidence qu'ils ont déjà fait. Ça veut pas dire qu'elle va aborder la présidence de la même façon qu'elle aborde ses compagnies ou ce qu'elle fait dans la vie. Tu sais, je veux dire, on parlait de pseudo-science. Probablement, en tout cas, ce que j'en pense, c'est qu'elle irait s'entourer du bon monde. Tu sais? Dr. Us et Dr. Phil, je rappelle ces deux-là, c'est ses proches. Oui, mais ça, c'était dans le but de faire de l'argent. Peut-être. Si tu vas en présidence connaissant que t'en feras pas de l'argent, t'sais, tu vas pas là pour aller faire de l'argent. Probablement que tu vas pas le gérer de la même façon que tu gérerais ta propre business. Mais c'est ça, puis il y a une grosse nuance entre deux choses. T'sais, comme Trump, pourquoi il s'est présenté à présidence? C'était juste next big thing. Exact. La prochaine grosse affaire qu'il pouvait faire pour... Il était rendu là, il fallait son qu'il ambition, plus loin encore. Il avait pas le choix de se rendre à une affaire comme ça parce que... Le but ultime. Puis de toute façon, il y avait déjà passé avant, ça faisait des années qu'il parlait de ça. Ouais, c'est ça. C'est pas nouveau, là. Non, mais tu sais, là, la question, c'est ça, c'est qu'est-ce qui va, si Oprah, parce que comme tu l'as dit, Tania, tantôt, Oprah n'a pas encore donné de réponse là-dessus. Non, c'est ça. Mais c'est que la question, c'est si elle dit oui, qu'elle elle va se présenter. Il y a deux grandes motivations qu'elle peut avoir. Là, la question, ça va être le prorata des deux. Ça va beaucoup influencer quel genre de présidente elle pourrait être. C'est-tu parce qu'elle va, là encore comme Trump, par ambition, parce que c'est juste la prochaine étape dans sa carrière, ce qui est une possibilité. Mm-hmm. Exact. Ou l'autre, c'est ce qu'on espère, tant qu'à moi, ce qui, idéalement, faudrait qu'il soit la motivation. La motivation principale, c'est pour réparer des gars de l'autre innocent, l'autre angry white man, l'homme blanc fâché. T'sais, on se rappelle, à un certain moment aussi, tout le monde avait demandé à Michelle Obama de se présenter en 2020. Elle a répondu que ça ne l'intéressait pas. Il y a The Rock aussi qui dit qu'il veut le faire. Là. Ben oui. Ça, je serais curieux. Ouais, moi, avec. Parce que... En plus, il a joué dans Saturday Night Live, il avait joué The Rock Obama. C'était comme un Obama Hulk qui déchirait sa chemise. Fait que ça serait comme parfait comme image. Mais tu sais, on en parlait comme ça il y a une couple d'années quand c'était Arnold Schwarzenegger qui avait décidé de se lancer aussi du côté gouverneur, du côté politique. Il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il ferait pas un excellent travail parce que sa job était d'être devant des caméras. Ouais. Et pourtant, il est encore là. Ouais. Il fait encore de la bonne gestion à ce niveau-là. Ben là, il est plus gouverneur. Non, mais tu sais, il baigne encore dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça, niveau politique. Je rappelle tout le temps, c'est qui Ronald Reagan qui était acteur avant d'être président. Ouais, c'est ça, c'est pas nouveau, là, des vedettes qui sont. Ça revient un peu à la même question du védétariat. C'est une affaire culturelle, c'est ça, que des fois, on a l'impression qu'on est culturellement assez proche des Américains, mais il y a quand même des trucs un peu différents. Les États-Unis sont. Aux États-Unis, les Américains sont peut-être. Sont beaucoup plus. Obnubilé par le végétarien qu'on peut l'être au Canada. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est beaucoup plus facile de choisir pour qui tu vas voter quand tu connais la personne. Ah, ben oui. C'est sûr. Mettons, Whoopi Goldberg qui a une émission de View. The View. Si elle décidait, mettons, de se lancer en politique, probablement qu'elle irait chercher un grand nombre de votes, ben oui. tout simplement parce qu'on la voit tous les jours. Mm-hmm. Fait que ça fait en sorte que. Elle aurait plus de sens que. Probablement, Oprah. Avoue. Hey, j'avoue, le côté politique, puis tu sais, on la voit. Puis elle discute de politique à tous les jours à The View. Ça serait hot, ça. Puis elle a quand même de très bonnes idées politiques de ce côté-là. Fait que, tu sais, je pense que. Elle était dans Star Trek en plus. En plus, tu sais, imagine, ça serait malade. Faudrait lancer le mouvement. Mais ça, OK, wow, là, si tu viens de changer ma mentalité. Mais tu sais, ce que je pense, c'est qu'on n'a pas ce genre de personnalité-là au Canada de pouvoir Marina dire. Orsini. Ben, tu sais, Guylaine Tremblay, ouais, je l'aime bien dans. Magali Lépin Blondeau, ça va partout, c'est correct. Tu sais, je la verrais pas non plus gérer. Le peuple canadien, non. T'sais, ou le peuple québécois, non. Tu vois. Fait que je pense qu'ils ont un plus grand bassin au pouvoir à les piger aussi en termes de végétariat. C'est sûr que, je veux dire, le on s'entend à notre Hollywood, là, à base. Exactement, c'est mais, ça. Je veux dire, ils fournissent le végétariat pour le monde au complet. C'est ça, le plateau Mont-Royal, on repassera. Ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire. Moi, c'est un au Québec que je verrais s'essayer, c'est Christian Bégin, en fait. Ouais, il a déjà fait ouais. des grosses allusions. Peut-être plus, c'était peut-être plus au municipal, je pense, qu'il était intéressé. De toute façon, il ressemble à Fernandez un peu. Ils ont comme le même look. OK. ils ont le look doux du plateau. Ouais, c'est vrai. Cinquantenaire du plateau. Avec sa tourtière à 30$. Ouais, c'est ça. Ouais, mais sa tourtière, c'est parce que c'est fait avec des ingrédients locaux. Oh! Il l'a dit. Le 15 du prix. Mais probablement qu'il y avait pas mal de bouteilles de vin dans le bureau. C'est ça. Belle parenthèse là, pour alléger un peu, mais tu sais, c'est. C'est cute comment est-ce que. Tu sais, c'est candide en même temps. Là. Ouais. Il croit à son affaire et ça paraît, mais. Mon Dieu, que c'est déconnecté du commun du peuple. 30$. 30$, c'est une tourtière. C'est une petite tourtière, c'est pas une grosse. Hein. C'est normal, une tourtière. C'est 3 heures de salaire, Colin, au salaire minimum. Aucun sens. C'est. Ah! Elle est mieux d'être bonne en Titi, puis celle de Saint-Hubert est dure à battre. Ben, pas mal moins cher. Pas mal, genre. Peut-être un peu plus de cochonnerie dedans, par contre. Oui, elle a de la soupe, lui, il a de la tourtière, écoute. C'est ça, c'est au même niveau. Christian Bégin for Prez. Exactement. Ah non, moi, je préfère Marina. Bonjour, comme policier. Ouais. Patrick Lagacé comme. Ah, boy. Ben, tu sais, je pense que du côté québécois ou du côté canadien, on aurait plus ce genre de. Je veux pas dire solution-là, mais on aurait plus ce genre de vedette-là. C'est-à-dire des éditorialistes, des gens qui ont été journalistes. Des Richard Martineau. Ce genre de choses-là. Tu parles au conditionnel, mais tu sais. C'est un peu il y en a quand même pas mal. Ben, tu sais, mon préféré, Élisée, c'était un ancien journaliste. Ouais. Ah oui, François Paradis aussi. Mm-hmm. Ouais, il y en a une gang, là. Il y en a pas mal qui sont. Ouais. Qui sont des anciens journalistes. Ouais. Avocats. Tu sais, nous, on est avec ça. Ou des avocats qui n'ont jamais été avocats. Oui, c'est ça, exactement. Ils ont fait le barreau de la tête. J'en saurais. On suivait les cours, là. Oui, c'est ça. À cette heure, il est avocat, en fait. Oui, pas le choix. Il fallait se trouver d'autres choses. C'est ça. Il fallait bien qu'il gagne sa vie. Hein. Mais non, c'est ça. C'est ça. Nous autres, au Canada, c'est un peu ça. C'est des avocats puis des à cette heure, des médecins, ça a l'air. Mais. Nos politiciens, c'est des avocats, des journalistes. Ben, René Lévesque. Oui. Oui, Radio-Canada, ben oui. C'était un journaliste. C'était un journaliste aussi, oui. C'était un autre gros exemple, là. Probablement que les gens, à force de les lire, ils les connaissent. Ben, c'est ça, tu connais ton domaine. Tu connais ton domaine, mais ça fait aussi que tu veux pas, tu as un public pour qui ils vont voter pour toi. Tu sais, ils te voient tous les jours. Ouais. C'est cette reconnaissance-là aussi. Ils ont l'impression de te connaître. Exactement. Mm-hmm. Du fait d'aller en politique, tu t'en vas en politique, t'es Joe au coin de la rue, là. Mm-hmm. Tu vas en frapper des portes pour savoir s'ils vont voter pour toi. Ouais, puis l'autre différence aussi, la différence par contre avec des vedettes à la Oprah pis tout, c'est mm-hmm. qu'un journaliste, tu sais, on s'entend, la plupart des journalistes qui ont fait le saut en politique, c'était des journalistes d'actualité politique. Exactement. Ils ont une expérience politique en quelque part. Ils n'ont pas été sur le siège, mais ils l'ont regardé en tabarouette. Mm-hmm, c'est ça. Ils savent comment que ça marche. Exactement. Mieux que certains politiciens en place qui n'ont pas le même je m'en ai dit background. Le même historique. Le même arrière-plan. Mais, c'est littéral. Papier peint, je pense. Le même papier peint, oui. Le même fond d'écran. Fond c'est d'écran. Ça. Le même écran de veille. Oui, c'est ça. Qu'eux autres, donc... Tu sais, contrairement à des Trump et des Winfrey, qu'est-ce qu'ils connaissent à ça? Mm-hmm. Ils ont une opinion de tu sais, ils ont une opinion qui vaut autant que celle de Joe Blow. C'est une opinion de salon, là. Qui est soude des portes de... Ouais, on va plus loin. On vous apprécie quand même. Exactement. Là, on minimise pas votre travail. Non, mais dans le sens que je veux dire, c'est pas parce qu'elle est riche puis qu'elle a des chaînes de TV puis des soupes à son nom qu'elle a une meilleure opinion que Johnny XYZ sur Secondaire 5. Mais je pense pas qu'elle... Ben, peut-être aussi qu'elle ait déjà donné son opinion, mais probablement que c'est une fille qui est quand même assez... liseuse de tout ce qui est politique. Peut-être. Ouais, mais il y a une différence entre être informé comme un électeur puis connaître mm-hmm. les rouages dans dedans. Exactement. Puis avoir la, mettons la, ce que j'appellerais, c'est un truc un peu nébuleux, mais que j'appellerais la conscience du poste, mettons. Ouais. Ouais, ce qui manque souvent aux candidats vedettes. Mm-hmm. Tu sais, le réaliser l'impact de tes actions, mettons. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Même dans les politiciens de carrière, il y en a qui ont peut-être qui l'ont jamais eu. Moi, j'ai des noms en tête que je nommerai peut-être pas, là, mais que de politiciens et politiciennes de carrière qui... je pensais à Pauline Marois, en fait, entre autres. Malgré le fait qu'ils ont été 20 ans à l'Assemblée nationale, n'ont jamais eu vraiment conscience de... qui faisait, on dirait, mm-hmm. de l'impact de leurs décisions, que c'était purement du bon, sur quoi on travaille cette année, puis oh, ça serait peut-être une bonne affaire à checker. Ouais. Ah, cette année, ça va être ça, la panacée de tout. Puis, tu sais, à un moment donné, devenir un homme ou une femme d'État, c'est pas parce que t'es élu que tu l'es. Mm. Non, c'est ça, exactement. Un contre-exemple de ça que je trouve très intéressant d'ailleurs. Qui est probablement, je dirais, qui est peut-être l'exact opposé de tout ce de quoi on parle, c'est Ruth-Hélène Brosseau du NPD, qui était nobody, c'était une candidate poteau à l'origine, mm-hmm. Qui a gagné ses élections, puis qui est devenue présentement une des députées les plus actives sa colline à Ottawa. Elle connaît ses dossiers, elle aurait pu, oui, pour la forme. Le parti a travaillé sur son image beaucoup, c'est sûr. Ils ont fait prendre des cours de français parce qu'elle se débrouillait plus ou moins bien. Elle mm-hmm. parlait plus ou moins bien. Elle est rendue parfaitement bilingue. Mettons que présentement, elle est dans une meilleure situation que Mélanie Joly. C'est ça. On compare ça comme ça. C'est le fun. Elle voulait prouver aux gens qui les avaient tort. Ça reste qu'elle aurait pu, suite à ça, je fais mon mandat, peut-être même se représenter, mais tu sais... rester une backbencher quand même. Non, elle est devenue une des députées importantes du caucus du NPD. Backbencher, quelqu'un qui serait dans priorité à l'arrière. Le banc arrière. L'arrière-banc, oui. Sur le rond en arrière. Bon, tu vois, le préposé à l'eau. Préposé à l'eau. Oui, c'est ça, la porteuse d'eau. Exactement, de café, porteuse d'eau. Et de gin. C'est ça. Fait que, c'est ça. C'est ça. Ben oui. Fait que, tout ça pour dire, c'était pas une... J'avais pas une grosse thèse en m'en venant ici. C'était un... Tu sais, je pense, en fait, si j'avais un point final à mettre là-dessus, je pense pas mal rendu l'heure. Ça fait pas mal 35 minutes qu'on parle. Ouais, c'est ça. Ça serait peut-être... ça peut être intéressant, mais faut pas l'avoir comme... faut pas voir une candidature à la présidence américaine d'Oprah Winfrey comme une... faut pas l'avoir comme un messie. Ouais, non, c'est ça. C'est exactement. Ça l'important. Faut arrêter de chercher le messie du côté des États-Unis maintenant. Ben, ce que nous faut arrêter de chercher les messies, tout court, ça existe pas en politique. Ouais. C'est ça. Et nous, on dit Whoopi Goldberg 2020.